Nous sommes au 18e épisode des Cahiers Libertaires. Pour ceux qui suivent, dans le dernier épisode, nous avons dit que nous étions au 10e au lieu du 17e. Malheureusement, c'est une erreur involontaire. En ce qui concerne des Cahiers Libertaires, il faut savoir que c'est le dernier épisode de la série. Et aussi, cet épisode devait être le 17e et c'est l'occasion de faire un petit bilan. Donc, dans l'avant-dernier épisode, l'interview de Yaël a dû être remasterisée dernièrement sur le logiciel Reaper. Ce que je craignais, c'est réaliser la qualité du son de l'interview par téléphone est vraiment très mauvaise. Toutefois, avec un bon logiciel, on a réussi à éliminer les bruits et les parasites. Toutefois, j'ai dû m'y reprendre à deux reprises, qui n'ont particulièrement rien à voir. L'une est vraiment exécrable alors que l'autre est d'une qualité relative. Il s'avère que le nombre d'abonnés a tendance à fluctuer, mais dans la tendance générale, il a tendance à augmenter. Ensuite, comme je vous parlais de la librairie Publico et du projet de faire une émission sur Radio Libertaire, alors, nous nous sommes rendus effectivement à la librairie Publico pour une deuxième fois pour présenter l'émission Les Cahiers Libertaires. Donc, on a fait un sondage sur Facebook et une majorité de personnes est favorable à un changement de nom et l'émission aura désormais le nom Tu la sens la liberté. Nous prenons acte. Nous avons désormais ouvert un nouveau podcast chez PodCloud, créé une page Facebook et modifié le compte Twitter, mais le compte Gmail il ne sera pas changé. En ce qui concerne chez la librairie Publico, bah, pas de chance, hein, la personne n'était pas là. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons investi dans une table de mixage analogique en sortie numérique pour faire des enregistrements de qualité à la maison en attendant de pouvoir passer à la radio parce que l'installation actuelle ne permettait pas de faire des enregistrements dignes de ce nom et c'est vrai que la carte son que j'ai commence à fatiguer vraiment. Et pour ceux qui sont curieux, il s'agit d'une Behringer QX 2222 USB, elle a 12 voix et 22 entrées. Et bon, si j'ai choisi cette table de mixage, c'est surtout pour pouvoir y installer un sampler avec 8 sorties pour les brancher sur les canaux line. Et que pourquoi pas, on pourra diffuser dans les prochains mois parce que le sampler que j'ai envie d'investir, ce serait un sampler en rack. Pour brancher mon clavier en MIDI dessus. Et l'avantage de cette table de mixage, c'est qu'elle a une entrée en RCA et que ça va pouvoir nous permettre de faire passer de la musique depuis l'extérieur, par exemple depuis un téléphone, un MP3 et que sais-je. Et que nous avons pris la décision d'enregistrer sur Reaper. C'est un logiciel à prix libre, il est gratuit. Et si on est satisfait, on peut acheter une licence. Donc, comme vous le voyez, pour le moment, il n'y a toujours pas de logo. Donc, le logo, il va venir, hein, parce que la table de mixage, elle va arriver vendredi matin. Et que le logo, ce sera celle de la table de mixage. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire un petit compte-rendu de ce qui se passe sur le blog et des différentes news. Donc, nous avons des problèmes de droits d'auteur. Nous avons reçu une mise en demeure par un cabinet d'avocats représentant une journaliste. Nous avons retiré la photographie du serveur en question. Et nous avons suspendu l'article. En attendant, la secrétaire du cabinet nous a signifié que nous allons recevoir une deuxième mise en demeure. Donc là aussi, nous avons retiré la photographie litigieuse. Bon, actuellement, nous n'avons toujours pas reçu la lettre en question. Ensuite, nous sommes de bonne foi et nous plaidons le droit à l'erreur. Donc, les photographies, par contre, de la journaliste se trouvent chez le magazine Marianne. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de crédit et cela ne semble pas poser problème à la photographe professionnelle. Donc, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Alors, pourquoi s'attaquer à un petit média qui est quasiment un blog au lieu de s'attaquer à un grand média comme Marianne qui gère des centaines de milliers d'euros par mois? Ensuite, il faut souligner qu'un dédommagement est demandé. La somme, elle est de 860 euros. Alors, nous avons essayé de donner une seule et dernière solution. Le cabinet d'avocats ne répond pas à la démarche à l'amiable dans laquelle nous sommes. Si cette dernière n'est pas acceptée, nous ne paierons aucun dédommagement. Ensuite, il faut souligner que si la photographe va au tribunal pour réclamer la somme et des dédommagements supérieurs, bah, le préjudice que nous subirons, je l'ai évalué, il est entre 16 et 25 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et ça nous obligerait à fermer le blog. Toutefois, les cahiers libertaires, bah, comme ils sont hébergés sur Podcloud, ils vont continuer. Et que vous pouvez nous soutenir sous Tipeee, même avec 1 euro, afin que nous ayons la meilleure indépendance et que nous puissions supprimer également intégralement les publicités sur notre site web, parce que la solidarité permet au site de se développer et d'acheter du matériel. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité lave les cerveaux et empêche les personnes de réfléchir, et que c'est vraiment quelque chose de nocif. Donc, avant de passer sur le thème principal, on va écouter Molodoy, et le nom de la chanson, c'est Amazon. How? Par les traces. Passer au fond de l'épisode. Donc cet épisode, il m'a demandé beaucoup de documentation, du travail. J'ai réalisé un script et que il semble nécessaire de respecter mon travail. Afin d'être réaliste, j'ai envoyé un petit message à l'émission de Radio Libertaire Sortir du capitalisme. Parce qu'il s'avère qu'ils ont fait une émission sur la même thématique, donc je voulais leur envoyer mon script. Ensuite, vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est votre choix, c'est votre opinion. Vous pouvez toutefois expliquer dans un commentaire ou envoyer un mail à les.cahiers avec un S, libertaire avec un S, @gmail.com. Et votre réponse sera diffusée dans le prochain épisode. Donc voilà, la question de ce numéro, c'est Keynes, une roue de secours du capitalisme. Donc là, le sujet de cet épisode est basé sur la théorie générale de Keynes. Donc le livre, il est facilement trouvable sur Internet en PDF. Et tout d'abord, nous devons faire une approche de la vision de Keynes sur l'économie classique. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans la théorie générale ? Il dit que dans une société qui fonctionnerait conformément aux postulats classiques, c'est-à-dire les postulats libéraux, il y aurait évidemment une tendance naturelle à un emploi optimum des ressources productives. Il se peut que la théorie classique décrive la manière dont nous aimerions que notre économie se comportât. Mais supposer qu'elle se comporte réellement ainsi, c'est supposer toutes les difficultés résolues. Pourquoi parler de Keynes et du keynésianisme ? On devrait plutôt s'attaquer au néolibéralisme et au capitalisme par définition. Pourtant, le capitalisme, il a différents visages. Et les théories de Keynes sont mises en avant en particulier par la France insoumise et globalement par les partis de gauche, alors que les partis de droite s'inscrivent dans la théorie néoclassique. Et l'objectif du mouvement de Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans la transition écologique, une transition certainement noble en suspens. Or, comme le dit Karl Marx, le capital épuise deux choses, le travailleur et la nature. Donc là, on va parler essentiellement de la nature, parce que dans notre émission, tout le monde sait que les travailleurs sont exploités par le capitalisme. Et donc, la transition écologique, elle a besoin de capital. Mais peut-on vraiment faire une transition dans un cadre alter-capitalisme ? Bah, la réponse est oui, le capitalisme serait toujours présent par son mode de fonctionnement et continuera à exploiter la nature, peut-être moins, mais tout de même. Il s'agit d'une certaine manière de faire un capitalisme vert alternatif, bien que cela ne soit pas du néolibéralisme. Tant que les travailleurs ne posséderont pas la gestion de l'ensemble du processus de production, alors nous serons en face d'un énorme gaspillage. En effet, les capitalistes produisent toujours plus qu'ils ne peuvent être consommés et détruisent la surproduction pour éviter que cela fasse baisser les prix. Dans les faits, il ne faut pas plus produire pour enrichir le capitalisme. Il faut produire sous contrôle dans le cadre d'une économie rationalisée. Il est vrai que lorsqu'on laisse prendre le travailleur l'outil du contrôle de production, On dégage en même temps, à savoir, un, les actionnaires et deux, les capitalistes. Et on le sait, la gauche, enfin, une grande majorité de la gauche, ne généralisons pas, a rompu avec l'anticapitalisme et le communisme depuis bien longtemps. Même le parti dit communiste français a rompu avec le communisme et le socialisme. Il est devenu un parti social-démocrate et un parti réformiste. Or, il est très clair que les slogans anticapitalistes ne peuvent plus trouver écho chez ceux qui défendent la petite bourgeoisie. Et il faut savoir que défendre la petite bourgeoisie commerçante pose problème. En effet, le petit patronat défend les mêmes propositions que le grand patronat. L'union des entreprises de proximité, qui est le syndicat des commerçants et des toutes petites entreprises. Alors, il paraît qu'il y aurait une opposition dans les organisations patronales. Pourtant, nous n'avons pas vu le petit patronat critiquer vainement les dispositions de régression sociale. Au contraire, le gouvernement actuel a tout fait pour satisfaire l'intérêt de ces derniers. Chose faite, chose due. Pour un autre niveau, il faut savoir que la CGPME, comme le MEDEF, défend le contrat de projet entraînant in fine la fin du CDI-CDD. Et que dit l'Union des entreprises de proximité sur ce point? Bah, pas grand-chose, puisque les petits entrepreneurs sont gagnants, se débarrasser quand ils n'en ont plus besoin des travailleurs et créer des contrats ultra flexibles. Ah là là, quel progrès! Il serait faux de penser qu'il y aurait un bon patronat dans les petites et moyennes entreprises et un mauvais patronat dans les grandes entreprises. Dans le cadre des revendications des commerçants et des petits entrepreneurs, nous ne sommes pas loin du poujadisme. Ces derniers demandent une baisse de l'impôt sur les sociétés. Et que fait la gauche keynésienne? Bah, elle va baisser l'impôt sur les sociétés afin de créer une certaine équité avec les grandes entreprises. Pourtant, cette dernière, on sait qu'elle fraude à travers la défiscalisation et l'optimisation pour ne payer aucun impôt. Ensuite, parlons des classes moyennes. Donc, cela soulève vraiment une question parce qu'elles sont prisées par tous les partis politiques. Pourtant, les classes moyennes sont très disparates. On ne sait pas vraiment où elles commencent, où elles se terminent. Et dans un cadre plus institutionnel, Thomas Piketty en a écrit un livre pour y aborder la question des limites. Donc c'est un pavé de 700 pages quand même. Donc pour la droite conservatrice, il existerait une lutte des classes de ces dernières. C'est pas anodin si Laurent Wauquiez, actuel président du Parti Les Républicains, a rédigé un livre s'intitulant La lutte des classes moyennes. Donc la droite conservatrice soutient l'idée que l'intérêt de la classe dominante est l'intérêt de la classe moyenne. Ainsi, la baisse des impôts, des cotisations sociales, la baisse des aides sociales sous couvert de lutte de l'assistanat. On constate que l'ultralibéralisme n'est jamais loin du libertarianisme. Et pour eux, il faut laisser le marché faire son travail. Et en conséquence, les inégalités vont diminuer au fur et à mesure. Dans les faits, les pays les plus libéraux, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ont un taux de pauvreté et d'inégalité supérieur aux pays qui sont considérés comme des États-providence. Et dans le cadre de la politique d'Emmanuel Macron, il se trouve que c'est une politique de droite assez classique. Et même dur dans certaines approches. Il reprend la thèse sur les faits que les classes moyennes sont matraquées d'impôts. Et justement, il va baisser les impôts de ces dernières et baisser l'impôt sur les sociétés pour le ramener à 25%. Vous comprendrez, afin que la France soit compétitive par rapport aux autres pays et que cela puisse créer de la richesse. Alors que pour la gauche keynésienne, l'intérêt des classes moyennes est celle des classes populaires. C'est pour cela qu'on nous vante souvent les fameuses 14 tranches, ainsi une certaine nostalgie des années 50 et 60, au moment où il y aurait effectivement un consensus sur certains sujets entre les communistes et les gaullistes du fait de la résistance. Et l'impact de ces nouvelles tranches est justement de baisser une fois de plus l'impôt sur les classes moyennes et de faire payer davantage les impôts pour les classes les plus aisées. L'objectif étant de réduire les inégalités sociales par l'intervention de l'État à travers notamment une meilleure redistribution des aides sociales. Toutefois, les 474 niches fiscales qui existent en France représentent tout de même un coût cumulé d'environ 100 milliards d'euros, soit près d'un tiers du budget de l'État. Et l'effort de l'impôt n'est pas le même pour tous. En effet, plus les personnes sont riches et moins elles payent d'impôts en fonction de leurs revenus. Et comme on l'a dit, cela est lié entre autres aux niches fiscales omniprésentes sur le budget de l'État. Toutefois, mieux répartir l'impôt revient à reprendre une phrase de Karl Marx qui disait: il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme, des impôts et toujours des impôts. Le taux de prélèvement obligatoire a atteint 45% en 2018 et il a dépassé les 1 000 milliards d'euros. Certains pourront voir un chiffre très élevé, ils ont raison, il s'agit d'un des taux les plus élevés de l'OCDE. En augmentant ce taux obligatoire, on constate que l'objectif n'est pas de détruire le capitalisme, mais de relancer la machine de la croissance avec une politique de relance keynésienne. Et que dit Keynes? Dans la mesure où la force qui pousse les individus à épargner est fonction des revenus futurs qu'ils attendent de l'épargne, il est évident qu'elle dépend non seulement du taux de l'intérêt, mais encore de la politique fiscale des pouvoirs publics. L'impôt sur les revenus, notamment lorsqu'il se distingue les revenus ne résultant pas du travail, les taxes sur la plus-value du capital, les droits de succession et autres exercent autant d'influence sur le taux d'intérêt, sur la formation de l'épargne. Il est même possible que la modification éventuelle de la politique fiscale, au moins sur la prévision, plus d'influence que le taux d'intérêt lui-même. Lorsqu'une politique fiscale est délibérément utilisée comme moyen d'obtenir une répartition plus égale des revenus, c'est alors qu'elle contribue à accroître la propension à consommer. Autrement dit, une hausse des prélèvements obligatoires permet, entre autres, d'augmenter la propension à consommer, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Dès lors, il est utile pour relancer une économie en perdition de taxer plus fortement les aisés, comme avec un impôt sur la fortune ou mettre 14 tranches sur l'impôt sur le revenu, etc. Une répartition égalitaire du revenu permet d'aller dans le relèvement d'une économie en crise. Donc Keynes, il affirme que l'importance des constructions de logements et des autres investissements réalisés depuis la guerre a suscité un volume d'amortissement très supérieur aux dépenses actuellement nécessaires pour les réparations ou les renouvellements. Cette tendance s'est encore retrouvée accentuée lorsque les auteurs des investissements étaient des autorités locales ou des offices publics, par le principe de saine administration financière qui veulent que le coût initial d'un équipement en capital soit complètement amorti en quelque temps avant la date réelle de son remplacement. La hausse des salaires et des revenus de transfert est censée stimuler l'économie et relancer l'investissement privé. Or, l'investissement privé se réalise le plus souvent sous le crédit. Dans le cadre actuel, le crédit est à un taux entre 0 et 1% dû aux effets du quantitative easing, ou autrement dit assouplissement quantitatif. Le crédit, c'est un peu la base d'une économie dans son expansion. Et Keynes, il affirme que ce n'est pas la désutilité marginale du travail exprimée en salaire réel qui détermine le volume de l'emploi, sauf que l'offre de mon œuvre disposée à travailler en échange d'un certain salaire fixe un maximum de l'emploi ne serait dépassée. Ce sont la propension marginale à consommer et le montant de l'investissement nouveau qui déterminent constamment le volume de l'emploi. Et c'est le volume de l'emploi qui détermine de façon unique le niveau des salaires réels et non l'inverse. Certains nous diront que l'objectif du crédit est le but de la politique de l'offre. D'autres nous diront que le crédit est le but de la politique de la demande. Dans les deux cas, il y a un endettement privé important qui peut s'avérer être une menace. Et Keynes y dit, quant à l'idée que la création de crédit par le système bancaire permet de réaliser des investissements auxquels aucun épargne véritable ne correspond, elle procède uniquement du fait que l'on isole une des conséquences de l'augmentation du crédit bancaire en excluant les autres. Si l'octroi à un entrepreneur d'un crédit bancaire en addition des crédits déjà existants lui permet d'effectuer un supplément d'investissement courant qui n'aurait pas été réalisé sans cela, les revenus augmenteront nécessairement et dans une mesure qui normalement dépassera celle de l'investissement supplémentaire. On ne peut parler de la question du crédit sans ressortir les analyses de Rosa Luxembourg. Pionnière dans l'introduction de l'économie politique, il semble nécessaire de parler d'un extrait de son livre Réforme sociale ou Révolution. Les moyens d'adaptation les plus efficaces de l'économie capitaliste sont l'institution du crédit, l'amélioration de moyens de communication et les organisations patronales. De ces multiples fonctions de l'économie capitaliste, la plus importante consiste à accroître la capacité d'extension de la production et à faciliter l'échange. Au cas où la tendance interne de la production capitaliste à un accroissement illimité se heurte aux limites de la propriété privée, aux dimensions restreintes du capital privé, le crédit apparaît comme le moyen de surmonter ces limites dans le cadre du capitalisme. Il intervient pour concentrer un certain grand nombre de capitaux privés en un seul. C'est le système des sociétés par action. Et pour assurer aux capitalistes la disposition de capitaux étrangers, c'est le système de crédit industriel. Par ailleurs, le crédit commercial accélère les échanges de marchandises, donc le reflux du capital dans le circuit de production. On se rend aisément compte de l'influence qu'exercent ces deux fonctions du crédit sur la formation des crises. Au final, en période de stagnation de la croissance ou de crise, la relance par la consommation a toujours permis d'atteindre le plein emploi et un taux de croissance plus élevé en moins de temps. Pourtant, le gouvernement fait exactement l'inverse et en conséquence, la croissance stagne et le taux de chômage continue de croître. Or, la politique de l'offre peut effectivement s'appliquer, mais dans le cadre d'une croissance très élevée et d'un chômage très bas. On constate que dans tous les cas, la politique keynésienne ne détruit pas l'économie. Si les économistes néoclassiques et les néolibéraux crisent à l'idée de voir les salaires augmenter, ce sont les premiers à en profiter avec la hausse des carnets de commandes, ce qui implique une augmentation de l'emploi, augmentant la richesse et créant à nouveau de l'emploi. De même, la hausse des salaires revient à mieux rémunérer la force de travail. En effet, ce sont les travailleurs qui sont à l'origine de toute création de richesses dans l'entreprise. Le modèle keynésien a été complété après la guerre par la loi d'Aucun, c'est-à-dire le rapport entre la croissance et la baisse du chômage. L'objectif est de créer une croissance nécessaire pour atteindre un certain seuil, et au-delà de ce seuil, Le chômage commence à diminuer avec un décalage entre 6 mois et 1 an. Par exemple, pour la France, le coefficient d'Auquin se situe à 1,7. Il faut donc une croissance supérieure à 1,7% pour faire baisser le taux de chômage. Pour anecdote, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, affirme que le gouvernement a créé près de 500 000 emplois. Or, comment peut-elle affirmer créer autant d'emplois avec une croissance située entre 1,4 et 1,5%? Heureusement, Pôle emploi fait ses courbes, le taux de chômage n'a pas diminué. Il ne fallait pas chercher bien loin. Le gouvernement aurait créé 500 000 mini-jobs de moins de 76 heures en CDD, loin d'un véritable emploi stable à taux plein. Il ne s'agit pas de faire baisser artificiellement le taux de chômage en maquillant celui-ci en maquillant le chômage. C'est la même stratégie qui est employée en Allemagne. Le chômage est faible du fait des mini-jobs. Et dans les années 60, le modèle keynésien, il était également complété avec la courbe de Phillips. Il s'agit du rapport entre le taux de chômage et l'inflation. Plus le chômage est faible et plus l'inflation est élevée. Et à contrario, plus le chômage est élevé et plus l'inflation est faible. Toutefois, actuellement, nous sommes dans le NIRU, le Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, ou le taux de chômage n'accélérant pas l'inflation. Pour la France, en 2014, il se situe à 9,2%. Il faudrait faire des calculs pour l'année 2018, mais j'admets que j'ai pas trop la foi, puis j'ai essayé. Les chiffres que j'ai sont en contradiction avec la réalité. Je trouve un plein emploi aux alentours de 4,3%. Puis expliquer ce calcul dans une émission me paraît compliqué. En effet, Keynes n'est pas Marx et l'ensemble du corpus keynésien est capitaliste. Dans le contexte actuel, on pourrait affirmer qu'il est altercapitaliste. De ce fait, le keynésianisme peut vouloir être une alternative au néolibéralisme, ils ont raison sur ce point-là, mais il faut dire qu'ils sont également altermondialistes. En réalité, ce sont des plaies pour nos luttes. Nous, les anticapitalistes, qui voulons renverser une bonne fois pour toutes le système d'exploitation dominé-dominant. Pour remettre en dynamique la lutte des classes, il convient d'affirmer qu'il existe un antagonisme de classe. Que dit Karl Marx? Il dit: la classe laborieuse se substituera dans le cours de son développement à l'ancienne société civile, une association qui exclura les classes et leur antagonisme, et qu'il n'y aura plus de pouvoir po politique à proprement dit, puisque le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de l'antagonisme de la société civile. En attendant, l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie est une lutte de classe contre classe, lutte portée à sa plus haute expression est une révolution totale. D'ailleurs, faut-il s'étonner qu'une société fondée sur l'opposition des classes aboutisse à une contradiction brutale, un choc de corps comme dernier dénouement? Ne dites pas que le mouvement social exclut le mouvement politique. Il n'y a jamais de mouvement politique qui ne soit social en même temps. Ce n'est que dans un ordre des choses où il n'y aura plus de classe et d'antagonisme de classe que les évolutions sociales cesseront d'être des révolutions politiques. Jusque-là, à la veille de chaque remaniement général de la société, le dernier mot de la science sociale sera toujours le combat ou la mort, la lutte sanguinaire ou le néant. Et c'est ainsi que la question est invinciblement posée. Sur la question des nationalisations, de nombreuses personnes se posent des questions. Dans le cadre d'une société capitaliste, le droit de propriété privée semble fondamental. Nous sommes effectivement bloqués si nous raisonnons dans le fait que cette dernière est défendue par les droits fondamentaux au niveau national, européen et international. Ceux qui se positionnent dans cette solution ne souhaitent pas sortir du capitalisme, mais migrer à nouveau vers un altercapitalisme. Or, déplacer le problème du capitalisme néolibéral vers un capitalisme d'État ne peut que soulever de nombreuses questions. Peut-on se considérer comme un opposant au capitalisme et vouloir le faire tomber et finalement vouloir un autre capitalisme? Des organismes comme les économistes atterrés défendent cette position, mais ne remettent jamais en cause même le droit de propriété privée. Pourtant, on ne pourra pas sortir du capitalisme sans remettre en cause cette dernière, et notamment le droit de propriété privée au sein des entreprises. Dès lors que nous mettons en cause le droit de propriété privée, nous affirmons en suspens que les actionnaires ne possèdent aucun titre. Or, si la propriété privée saute, il revient nécessaire aux producteurs de s'accaparer leurs entreprises. N'est-ce pas la définition même de Karl Marx à propos de la fin du capital? Et il dit que l'objectif reste l'abolition du capital. Dans une production socialisée, le capital argent disparaît. La société répartit la force de travail et les moyens de production entre les différentes branches de l'industrie. Les producteurs peuvent, à la rigueur, recevoir un bon d'échange duquel ils prélèveront sur les dépôts sociaux de consommation une quantité correspondant à leur temps de travail. Ces bons ne sont pas de l'argent, ils ne circulent pas. Karl Marx, Le Capital, livre 2. Le problème du keynésianisme, c'est qu'il s'agit d'une politique économique qui peut être de droite tout comme étant de gauche. L'art de l'hypocrisie dans les temps qui courent est de présenter le keynésianisme comme une politique de gauche. Les politiques de grands travaux, comme le Grand Paris Express, sont réalisées sous un gouvernement de droite pour un investissement qui dépassera les 150 milliards d'euros, sans compter les différents retards qui occasionneront des dépenses supplémentaires. Pourtant, on ne peut pas dire que le gouvernement précédent, comme le gouvernement actuel, soit des opposants au capitalisme. La démonstration est en fait le capitalisme peut très bien se satisfaire pour relancer la machine économique tout en sauvegardant le système. La lutte des classes continuera dans une telle société qui ne pourra être apaisée puisque nous serons dans une forme d'exploitation des travailleurs et tant que les patrons et les actionnaires seront présents dans les entreprises, il y aura toujours une forme de rapport entre dominants et dominés. L'altercapitalisme ne change pas les rapports de force. De même, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un mouvement en faveur du droit des travailleurs ou d'un mouvement réformiste. Dans le cadre des droits des travailleurs, ces derniers sont augmentés contre des comparties au profit des entreprises. De même, il y a une certaine illusion que le système changera. Que se passera-t-il lorsqu'on arrivera au plein emploi et une croissance élevée? Les keynésiens seront favorables à des mesures d'ajustement structurel, tout comme celle du marché du travail. Et au final, nous avons vu dans cet épisode que les idées de Keynes, si elles peuvent être intéressantes pour les capitalistes, en revanche, elles ne sont pas intéressantes pour ceux qui veulent vraiment rompre avec le capitalisme, notamment les communistes ou les anarchistes. We'll be right back. statique de l'antispécisme. Et pour cette formule, nous allons aborder trois points. Le premier point vient de la position de Gilbert Collard, qui a été élu député européen. Et ce dernier, il parlait à propos du parti animaliste. Pourquoi ne pas créer un parti des légumes? On concédera que sa mouvance a fait déjà partie du parti des légumes, parce que n'est-ce pas eux qui soutiennent les intégristes des parents de Vincent Lambert dans un acharnement thérapeutique qui frise évidemment le harcèlement soutenu par une fondation anti-avortement, la Fondation Le Jeune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fondation, elle donne 100 000 euros par année en procédure d'avocat. Et on rappelle également que les amis de Vincent Lambert ont lancé une cagnotte pour laisser partir dignement Vincent Lambert et surtout pour attaquer en justice les intégristes de parents. Le deuxième point vient de mes camarades de Boucherie Abolition. Donc ces derniers ont été arrêtés il y a quelques jours. Ils ont fait 34 heures de garde à vue pour une action de libération animale. On répétera également que près de 500 dindes sont décédées du fait d'une crise cardiaque, du fait qu'elles n'ont pas supporté la liberté et qu'elles ont paniqué. Et on constate qu'il y a de nombreux militants de la cause animale qui voient dans cette action finalement une pure hypocrisie. Les dindes, à leur maturité, de toute façon, elles auraient été envoyées dans un abattoir et auraient été égorgées à la chaîne, faisant exactement 1500 morts. Est-ce que c'est mieux de voir des dindes mourir en liberté ou des dindes mourir dans des abattoirs? Donc vous avez 4 heures pour répondre à cette question philosophique et d'éthique. Ensuite, ils vont passer pour un procès pour vol aggravé, des dégradations en réunion, violation de domicile et entrave à la liberté de travail. Autant dire que dans ce cadre, les peines peuvent être très lourdes, avec des dommages et intérêts très élevés à donner aux éleveurs pour pallier aux préjudices qu'ils auraient subis. Et nous serons heureux d'être présents à la conférence de presse qui se tiendra le 8 juin à 10h pour poser des questions tout en étant le plus objectif possible. Et selon le contenu, nous essayerons d'en faire une émission entière pour tenter de résumer les tenants et les aboutissants de cette action. Un troisième point peut soulever un débat que l'on trouve souvent chez les amateurs de viande. Faut-il imposer un régime végétarien ou végétalien à ses enfants? Souvent, ils affirment que les personnes ne mangeant pas de viande sont des sectaires ou des terroristes. Pourtant, ce sont les mêmes dogmatiques qui imposent par la force à leurs enfants des attitudes alimentaires, un peu comme les religieux qui refusent certains aliments ou les veulent sous certaines conditions. On retrouve beaucoup le même langage dans les groupes anarchistes sur la toile. Sont-ils vraiment anarchistes pour tenir ce genre de propos? Des doutes me viennent quand ils reprennent en cœur les arguments des différents syndicats mafias et des grandes industries capitalistes sur le fait que la viande serait obligatoire pour les enfants. On éduque par le dogmatisme ou crétinerie d'ailleurs les futures personnes travaillant avec les bébés sur le fait que les repas seraient composés in fine des VPO, c'est-à-dire viande, poisson, œufs, et les produits laitiers. À aucun moment il est dit qu'il y a des légumineuses qui remplissent très bien l'apport en protéines. Et pour le calcium, il existe de nombreux légumes qui remplissent le rôle. Or, il faut, par exemple, rétablir une vérité. Les enfants doivent avoir la possibilité de choisir sans dogmatisme, en étant conscients de ce qu'ils mangent, afin qu'ils puissent avoir un vrai retour. Par exemple, il semble normal qu'il faut expliquer qu'un morceau de viande n'est pas naturel, mais qu'il s'agit d'un animal mort dans un abattoir, ou souvent dans des conditions sanitaires déplorables, dans une maltraitance devenue légion. Il faut également expliquer à l'enfant en toute transparence, afin qu'il comprenne que la viande vient d'un animal qui a été le plus souvent tué à la chaîne pour satisfaire les intérêts des capitalistes. Toutefois, nous ne sommes pas des propagandistes carnés et des partisans du capitalisme. Il semble hors de question de montrer des vidéos de certaines associations comme L214. L'objectif n'est pas de traumatiser l'enfant, mais de l'inviter à réfléchir sur ce qu'il mange. Il a le droit de savoir. On pourra faire de même sur les produits laitiers en expliquant que les bébés veaux sont enlevés dès la naissance à la mère, totalement affolée, et que cette dernière, elle est victime d'un désenfantement. Sur les conditions de l'exploitation du veau, nous sommes dans un stade de maltraitance généralisée, mais devenue la norme. Les veaux sont nourris avec du lait artificiel et sont mis en état d'anémie. Autrement dit, les veaux que mangent les consommateurs sont des veaux malades. Est-ce que les carnistes vont dans cette démarche pour avoir finalement le consentement explicite de leurs enfants sur ce qu'il veut avoir son propre choix? Il me semble que la réponse non. Ce sont qui les sectaires? Ce sont qui les extrémistes? Il s'agit d'une question rhétorique pour montrer que le postulat de certains carnistes en guerre contre le végétalisme s'applique eux aussi. Or, s'il n'y a pas de consentement sur l'enfant qui mange, il le fait pour deux raisons. Il imite le choix de ses parents, et c'est la fameuse reproduction des classes de Karl Marx qui débute au stade enfantin. Il le fait avec un certain automatisme. Si l'enfant, après mûre réflexion, choisit de ne pas manger de viande ou de produits laitiers, il faut lui expliquer avec beaucoup de pédagogie que c'est possible. Il convient également de casser les codes des différentes corporations agro-industrielles qui nous rabâchent que le régime végétarien serait dangereux pour la santé. Lorsque celui-ci est bien équilibré, il est moins dangereux que le régime carniste. Que dit l'association des nutritionnistes américains? Qu'un régime végétarien est bon à tout âge de la vie, si et seulement si, lorsque celui-ci est équilibré. Les carnistes tentent souvent de faire la morale quasi religieuse que la viande est essentielle et nous vendent des faits divers d'enfants véganes décédés du fait de l'alimentation. Il faut dire qu'il y a plus d'enfants carnistes qui décèdent chaque année qu'il y a de nombreux carnistes qui au final, ont des problèmes de carence. Au final, la démonstration est faite et on a envie de dire aux carnistes, lâchez-nous la grappe. On espère que bientôt nous pourrons faire des émissions sur Radio Libertaire. L'épisode est maintenant terminé. Allez, chaud! And white, there was nothing you could do. cars had a light on a Saturday night. In the back seat there was a gun. Words were passed, a shotgun blessed, troubled times had come to my hometown. To my says these jobs are going, boys, and they